6. Une nuit mouvementée, je retrouve des amis. Départ de Smolensk, rectification nécessaire, bataille de Krasnoé, le dragon mêlé. Mon guide avait disparu sans que je m'en aperçoive, de manière que je me trouvais tout à coup désorienté. C'est alors que je regrettais encore d'avoir quitté le régiment. Cependant, il fallait prendre un parti, et comme la neige avait cessé de tomber, un instant avant ma descente dans la cave, je regardais si je ne retrouverais pas la trace de mes pas. Puis je me rappelais que je devais toujours avoir le rempart à ma droite. Après quelques moments de marche, je reconnus la place où j'avais rencontré le badois. Mais pour mieux m'en assurer et la reconnaître lorsqu'il ferait jour, je fis avec la crosse de mon fusil deux grandes croix profondes dans la neige, et je poursuivis mon chemin. Il pouvait être minuit. J'avais passé près d'une heure dans la cave, et pendant ce temps, le froid avait considérablement augmenté. Sur ma gauche, j'apercevais bien des feux, mais je n'osais pas me diriger de ce côté, de crainte de me détruire en tombant dans des trous cachés par la neige. Je marchais toujours en tâtonnant, et la tête baissée, afin de voir où je posais les pieds. Depuis un moment, je m'apercevais que la route descendait, et un peu plus avant, je la trouvais embarrassée par des affûts de canons, que probablement on avait voulu conduire sur le rempart. Lorsque je fus dans le bas, il me fut impossible de reconnaître la direction, tant il faisait obscur, de sorte que je fus forcé de m'asseoir sur le derrière d'un affût pour me reposer, et aussi tâcher de voir de quel côté je devais prendre. Dans cette situation pénible, mon fusil entre les jambes, la tête appuyée dans les deux mains, au moment où j'allais pour mon malheur m'endormir probablement pour toujours, j'entendis des sons extraordinaires. Je me relevais tout saisi en pensant au danger que je venais de courir, en me laissant aller au sommeil. Ensuite, je prêtai mon attention afin de voir de quelle direction venaient les sons, mais je n'entendis plus rien. Alors je crus avoir rêvé, ou que c'était un avertissement du ciel pour me sauver. Aussitôt reprenant courage, je me mis à marcher à tâtons et à enjamber au hasard les obstacles sans nombre qui se trouvaient sur mon passage. Enfin, étant parvenu, non sans risquer plusieurs fois de me casser les jambes, à laisser derrière moi tout ce qui s'opposait à mon passage, je me reposai un instant pour reprendre haleine, afin de pouvoir gravir la pente opposée, lorsque le même bruit qui m'avait éveillé me fit de nouveau lever la tête. Mais ce que j'entends, c'est de l'harmonie. Ce sont les sons graves de l'orgue encore éloignés, et qui font sur moi, à cette heure de la nuit, seul et dans un pareil endroit, une impression que je ne saurais définir. Aussitôt je marche, doublant le pas dans la direction d'où viennent ces sons. En un moment, je suis sorti du fond où j'étais retenu. Arrivé en haut, je fais encore quelques pas, et j'arrête. Il était temps. Encore quelques pas, et c'était fini de moi. Je tombais du haut en bas du rempart, à plus de 50 pieds de hauteur sur le bord du Boristen, où fort heureusement j'avais aperçu le feu d'un bivac qui m'avait fait arrêter. Épouvanté du danger que je venais de courir, je reculais de quelques pas et j'arrêtais encore pour écouter. Mais je n'entendis plus rien. Je me remis à marcher, et tournant à gauche en un instant, j'eus le bonheur de retrouver le chemin frayé. Je continuai à avancer, mais lentement et avec précaution, la tête haute, toujours en prêtant l'oreille, mais n'entendant plus rien. Je finis par me persuader que c'était l'effet de mon imagination frappée, car dans la position pénible où nous étions, nous ou les habitants qui étaient en petit nombre, il n'y avait pas de musique possible, et surtout à pareille heure. Tout en avançant et en faisant des réflexions, mon pied droit, qui commençait déjà à être gelé et à me faire souffrir, rencontra quelque chose de dur qui me fit pousser un cri de douleur et tomber de mon long sur un cadavre, ma figure presque sur la sienne. Je me relevai péniblement. Malgré l'obscurité, je reconnus que c'était un dragon, car il avait encore son casque sur la tête, attaché avec les jugulaires, et son manteau sur lequel il était tombé, il n'y avait probablement pas longtemps. Le cri de douleur que j'avais jeté en tombant fut entendu par un individu qui était sur ma droite, et qui me cria d'aller de son côté en me faisant comprendre qu'il y avait longtemps qu'il m'attendait. Surpris et content de trouver quelqu'un dans un endroit où je me croyais seul, j'avançais dans la direction d'où partait la voix. Plus je m'approchais, plus il me semblait la reconnaître. Je lui criais « C'est toi, Bolloc ?»« Oui, me répondit-il, et nous ayant reconnus l'un et l'autre, il fut aussi surpris que moi de nous trouver, à pareille heure, dans un lieu aussi triste et ne sachant pas plus que moi où il était. Il m'avait primitivement pris pour un caporal qui était allé chercher des hommes de corvée pour transporter des malades de sa compagnie, que l'on avait laissés à la porte de la ville lorsque l'on était arrivé, et qui ensuite, avec quelques hommes pour porter et aider à marcher ces malades, avait pris le chemin du rempart pour éviter de monter la rampe de glace. Mais arrivé ici, étant trop faible pour marcher et les hommes de corvée ne pouvant plus les porter, ils étaient tombés à la place où je les voyais. Le premier qu'il avait envoyé au camp n'étant pas revenu, il avait envoyé successivement les deux autres, de manière qu'ils se trouvaient seuls. C'étaient précisément les hommes que nous avions laissés à notre arrivée dans la baraque, où ensuite j'en avais trouvé un de mort. Je lui contai comment je m'étais perdu. Je lui parlai de mon aventure dans la cave, mais je n'osais lui parler de la musique que j'avais cru entendre, de crainte qu'il ne me dise que j'étais malade. Il me pria de rester près de lui. C'était bien ma pensée. Un instant après, il me demanda pourquoi j'avais jeté un cri qu'il avait entendu. Je lui contai ma culbute sur le dragon et comme ma figure avait touché la sienne. « Tu as donc eu peur, mon pauvre ami ?»« Non, lui répondis-je, mais j'ai eu bien mal. »« C'est très heureux, me dit-il, que tu te sois fait assez de mal pour te faire crier. Sans cela, tu aurais passé sans que j'eusse pu te voir. » Tout en causant, nous marchions à droite et à gauche pour nous réchauffer, en attendant que les hommes fussent arrivés pour transporter les malades qui couchaient l'un contre l'autre sur une peau de mouton et couvert de la capote et de l'habit de celui que l'on avait dépouillé à la baraque, ne donnait plus grand signe de vie. « Je crains bien, me dit Belloc, que nous n'ayons pas la peine de les faire transporter. » En effet, l'on entendait par moments qu'ils voulaient parler ou respirer, mais il était facile de comprendre que leur langage était celui des agonisants. Tandis que le râle de la mort se faisait entendre près de nous, la musique aérienne, que je croyais n'exister que dans mon imagination, recommença de nouveau, mais beaucoup plus rapprochée. J'en fis la remarque à Belloc, et je lui contai ce qui m'était arrivé à la première et à la seconde fois que j'avais entendu ces sons harmonieux. Alors il me conta que depuis qu'il était arrêté, il avait entendu par intervalles cette musique, et qu'il n'y pouvait rien comprendre, qu'il y avait des moments que cela faisait un vacarme d'enfer, et que si c'était des hommes qui s'amusaient à cela, il fallait qu'ils eussent le diable au corps. Alors, s'approchant plus près de moi, il me dit à demi-voix, de crainte que les deux hommes qui se mouraient à nos pieds l'entendent, « Mon cher ami, ces sons que nous entendons ressemblent beaucoup à la musique de la mort. » Tout ce qui nous entoure est mort, et j'ai un pressentiment que sous peu de jours je serai mort. » Puis il ajouta, « Que la volonté de Dieu soit faite, mais c'est trop souffrir pour mourir. Regarde ces malheureux. » En montrant les deux hommes couchés dans la neige, à cela je ne répondis rien, car dans ce moment ma pensée était comme la sienne. Il avait cessé de parler, et nous écoutions toujours, sans nous rien dire, interrompu seulement par la difficulté de respirer d'un des hommes mourants, lorsque rompant de nouveau le silence. Cependant, me dit-il, les sons que nous entendons semblent arriver d'en haut. Nous écoutâmes encore avec attention. Effectivement, cela paraissait venir d'au-dessus de notre tête. Tout à coup, le bruit cessa. Alors un silence affreux régna autour de nous. Ce silence fut interrompu par un cri plaintif. C'était le dernier soupir d'un des hommes que nous gardions. Au même instant, des pas se font entendre. C'était un caporal qui arrivait avec 8 hommes. Pour enlever les deux mourants, mais comme il n'en restait plus qu'un, il fut enlevé de suite. On le couvrit avec la dépouille des autres et l'on partit. Il était plus d'une heure du matin. Le froid avait diminué, car depuis un instant le vent avait cessé de se faire sentir avec autant de violence. Mais j'étais tellement fatigué que je ne pouvais plus marcher. Et joint à cela, l'envie de dormir me dominait tellement que pendant le chemin, Belloc me surprit plusieurs fois arrêté et dormant debout. Il m'avait donné des indications pour trouver Grangier, car des hommes de sa compagnie qui escortaient le seul fourgon qui restait au maréchal avaient été voir leurs camarades et avaient indiqué le fourgon placé à la porte d'une maison où était logé le maréchal. Arrivé au point où nous descendions la rampe du rempart, afin de prendre la direction du camp où était le régiment, je me séparai du convoi funèbre, et je me décidai à suivre le nouveau chemin que l'on venait de m'enseigner, espérant atteindre bientôt le but de mes recherches. Il n'y avait qu'un instant que je marchais seul, lorsque la maudite musique se fit encore entendre. Aussitôt, je cesse de marcher. Je lève la tête pour mieux écouter, et j'aperçois de la clarté devant moi. Je me dirige sur le point lumineux, mais le chemin va en descendant, et la lumière disparaît. Je n'en continue pas moins à marcher, mais au bout d'un instant, arrêté par un mur, je suis forcé de revenir sur mes pas. Je tourne à droite, à gauche. Je me trouve enfin dans une rue, et au milieu de maisons en ruine. Je continuai à marcher à grands pas, toujours guidé par la musique. Arrivé à l'extrémité de la rue, je vois un édifice éclairé. C'est de là que viennent les sons graves qui continuent toujours. Je marche directement dessus. Et après avoir tourné plusieurs fois, je me trouve arrêté par une petite muraille qui semble servir d'enceinte à l'édifice, que je reconnais pour une église. Ne voulant pas me fatiguer davantage à chercher l'entrée, je me décide à escalader la muraille, et pour m'assurer qu'elle n'est pas assez haute, je sonde de l'autre côté avec mon fusil. Voyant qu'il n'y avait pas plus de 3 à 4 pieds de haut, je monte dessus et je saute de l'autre côté. Mes pieds ayant rencontré quelque chose de bombé, je tombe sur mes genoux. Je me relève sans m'être fait mal, mais je fais encore quelques pas et je sens que le terrain n'est pas égal. Pour ne pas tomber, je m'appuie sur mon fusil. Je m'aperçois bientôt que je suis au milieu de plus de 200 cadavres, à peine recouverts de neige. Pendant que j'avance en trébuchant, appuyé sur mon fusil, et que mes pieds s'enfoncent et sont quelquefois tenus entre les jambes et les bras de ceux sur lesquels je marche, et qui semblent arrangés avec symétrie, afin de faire place à d'autres, des chants lugubres se font entendre. Il me semble que c'est l'office des morts. Les paroles de Belloc me reviennent à la mémoire. Une sueur me prend. Je ne sais plus ce que je fais, ni où je vais. Je me trouve, je ne sais comment, appuyé contre le derrière du cœur de l'église. Revenu un peu à moi, en dépit du tintamarre diabolique qui continue, je marche, appuyé d'une main contre le mur, et je me trouve à la porte que je vois ouverte, et par où une fumée épaisse sort. J'entre et je me trouve au milieu d'individus que je prends pour des ombres, tant il y a de fumée. Ces individus continuent à chanter et d'autres à jouer des orgues. Tout à coup, une grande flamme s'échappe, la fumée se dissipe. Je regarde où je suis et avec qui. Un des chanteurs s'approche de moi et s'écrie « C'est mon sergent !» Il m'avait reconnu à ma peau d'ours, et à mon tour, je reconnais des soldats de la compagnie, que l'on juge de ma surprise en les voyant dans cet état de gaieté. J'allais leur faire des questions lorsque l'un d'eux s'approche et me présente de l'eau de vie, plein un vase en argent. Alors je devine d'où vient leur gaieté. Ils étaient tous en ribote. Un qui l'était moins que les autres me conta qu'en arrivant, ils avaient été à la corvée, et qu'en passant où il y avait encore quelques maisons, ils avaient vu sortir d'une cave deux hommes portant une lanterne, qu'ils avaient reconnus pour des juifs, que de suite ils s'étaient concertés pour y revenir faire une visite après la distribution des vivres, afin de voir s'ils n'y trouveraient rien à manger, et ensuite passer la nuit dans cette église, qu'ils avaient remarquée, qu'en effet ils étaient revenus, y avaient trouvé dans la cave une barrique d'eau-de-vie, un sac de riz et un peu de biscuits, ainsi que 10 capotes ou pelisses garnies de fourrure, et des bonnets, entre autres celui du rabbin. Comme ils s'étaient affublés de tout cela, je les avais pris en entrant pour ce qu'ils n'étaient pas. Avec eux se trouvaient plusieurs musiciens du régiment, qui, un peu en train, s'étaient mis à jouer des orgues. Ainsi s'expliquaient les sons harmonieux qui m'avaient si fort intrigué. Ils me donnèrent du riz, quelques petits morceaux de biscuits et le bonnet du rabbin, garni d'une superbe fourrure de renard noir. Je mis le riz précieusement dans mon sac. Tant qu'au bonnet, je le mis sur la tête, et voulant me reposer, je mis devant le feu une planche sur laquelle je me couchais. À peine avais-je la tête sur mon sac que nous entendîmes du côté de la porte crier et jurer. Nous fûmes voir ce qu'il pouvait y avoir. C'étaient 6 hommes conduisant une voiture attelée d'un mauvais cheval, chargée de plusieurs cadavres qu'ils venaient déposer derrière l'église pour faire nombre avec ceux sur lesquels j'avais marché, la terre étant trop dure pour y faire des trous, et la gelée les conservant provisoirement. Ils nous dirent que si cela continuait, l'on ne saurait plus où les placer, car toutes les églises servaient d'hôpitaux et étaient remplies de malades à qui il était impossible de donner des soins, qu'il n'y avait plus que celle où nous étions, où il n'y avait personne, et où depuis quelques jours ils déposaient les morts, que depuis le moment où la tête de colonne de la grande armée avait commencé à paraître, il ne pouvait suffire au transport des hommes qui mouraient un instant après leur arrivée. Après ces explications, je fus me recoucher. Les infirmiers, car c'en était, demandèrent à passer le reste de la nuit avec nous, afin d'attendre le jour, pour déposer leur charge auprès des autres. Ils dételèrent leur cheval et le firent entrer dans l'église. Je dormis assez bien le reste de la nuit, quoique réveillé souvent par le picotement de la vermine. Depuis que j'étais infecté, je ne l'avais pas encore senti comme dans ce moment. Cela se conçoit, car couchant au grand air, il ne bougeait pas, mais là où j'étais, il faisait assez chaud, ils en profitaient pour me manger. Il n'était pas encore jour lorsque je fus réveillé par les cris d'un malheureux musicien qui venait de se casser la jambe en descendant les escaliers qui conduisaient aux orgues où il avait dormi. Ceux qui étaient en bas avaient, pendant la nuit, enlevé une partie des marches pour faire du feu et se chauffer, de manière que le pauvre diable, en descendant, fit une chute qui le mit dans un état à ne pouvoir marcher de sitôt. Il est probable qu'il ne sera jamais revenu. Lorsque je fus réveillé, je trouvai presque tous les soldats occupés de faire rôtir de la viande au bout de la lame de leur sabre. En attendant que la soupe fût cuite, je leur demandai où ils avaient eu de la viande, ou si l'on avait fait une distribution. Ils me répondirent que non, que c'était la viande du cheval de la voiture des morts, qu'ils avaient tué, pendant que les infirmiers étaient en train de dormir. Ils avaient bien fait, il fallait vivre. Une heure après, lorsque déjà un bon quart du cheval était mangé, un des croque-morts en prévint ses camarades, qui tempêtèrent contre nous et nous menacèrent de porter leur plainte au directeur en chef des hôpitaux. Nous continuâmes à manger en leur répondant que c'était fâcheux qu'il fût si maigre, ou qu'il n'y en eût pas une demi-douzaine pour en faire une distribution au régiment. Ils partirent en nous menaçant, et pour se venger, ils versèrent les 7 cadavres dont leur voiture était chargée à l'entrée de la porte, de manière que nous ne pouvions sortir ni rentrer sans marcher dessus. Ces infirmiers qui n'avaient pas fait la campagne et à qui jamais rien n'avait manqué ne savaient pas que depuis plusieurs jours nous mangions les chevaux qui nous tombaient sous la main. Il était 7 heures lorsque je me disposais à partir pour retourner où était le régiment. Je commençais par prévenir les hommes, au nombre de 14, qu'il fallait se réunir et arriver ensemble et en ordre. Avant, nous nous mîmes à manger une bonne soupe au riz, faite avec le bouillon de viande de cheval. Après cela, leur ayant fait mettre sur le dos le sac où ils avaient enfermé leur grande pelisse de juifs, nous sortîmes de l'église, qui commençait déjà à se remplir de nouveaux venus, malheureux et autres, qui avaient passé la nuit comme ils avaient pu, et de beaucoup d'autres encore qui quittaient leur régiment, espérant trouver mieux. La faim les faisait rôder dans tous les coins. En entrant, ils ne prenaient pas garde aux cadavres qui obstruaient le passage. Ils passaient dessus comme sur des pièces de bois. Ils étaient aussi durs. Lorsque je fus sur le chemin, je proposai à mes hommes, à qui je contais mon aventure de la cave, d'y venir faire une visite. Ma proposition fut acceptée. Nous en trouvâmes facilement le chemin, car nous avions pour premier guide l'homme que Belloc avait laissé mort, ensuite le dragon sur lequel j'étais tombé, et que nous retrouvâmes avec son manteau et sa chaussure de moins. Après avoir passé le fond où étaient les affûts de canons et où j'avais failli m'endormir, nous arrivâmes à l'endroit où j'avais fait mes remarques dans la neige. Ayant descendu la rampe moins vite que la veille, j'arrivai à la porte que nous trouvâmes fermée. Nous frappâmes, mais personne ne répondit. Elle fut enfoncée de suite, mais les oiseaux étaient envolés. Nous n'y trouvâmes qu'un seul individu, tellement ivre qu'il ne pouvait parler. Je le reconnus pour l'Allemand qui avait voulu me mettre à la porte. Il était enveloppé d'une grosse capote de peau de mouton qu'un musicien du régiment lui enleva, malgré tout ce qu'il put faire pour la défendre. Nous y trouvâmes plusieurs porte-manteaux et une malle. Tout cela avait été volé pendant la nuit, mais tout était vide, ainsi que la barrique que le soldat badois avait apportée et que nous reconnûmes pour avoir contenu du genièvre. Avant de reprendre le chemin du camp, je considérai la position où j'étais et je vis avec surprise que pendant la nuit, j'avais beaucoup marché sans avoir fait beaucoup de chemin. Je n'avais fait que tourner autour de l'église. Nous retournâmes au camp. Chemin faisant, je rencontrai plusieurs hommes du régiment que j'ai réunis à ceux qui étaient avec moi. Un instant après, j'aperçus de loin un sous-officier du régiment que je reconnus de suite à son sac blanc pour celui que je cherchais, Grangier. Je l'avais déjà embrassé qu'il ne m'avait pas encore reconnu, tant j'étais changé. Nous nous cherchions l'un et l'autre, car il me dit que depuis la veille, une heure après l'arrivée du régiment, il avait été à l'endroit où il était pour me chercher, mais que personne n'avait pu lui dire où j'étais, et que si j'avais eu la patience d'attendre, il m'aurait conduit où il était logé, car il m'attendait avec une bonne soupe pour me restaurer et de la paille pour me coucher. Il me suivit jusqu'au camp, où j'arrivai en ordre avec 19 hommes. Un instant après, Grangier me fit signe. Je le suivis, il ouvrit son sac, et en tira un morceau de viande de bœuf cuit qu'il avait, me dit-il, réservé pour moi, ainsi qu'un morceau de pain de munitions. Il y avait 23 jours que je n'en avais mangé, aussi je le dévorais. Ensuite, il me demanda des nouvelles d'un de ces pays qu'on lui avait dit être dangereusement malade. Tout ce que je pus lui dire, c'est qu'il était entré en ville, mais que, puisqu'ils ne l'avaient pas vu où était le régiment, il nous fallait aller voir à la porte de la ville par où nous étions entrés, que là nous pourrions peut-être avoir quelques renseignements, car beaucoup de malades, n'ayant pu monter la rampe de glace pour aller où était le régiment, étaient restés au poste du Badois ou dans les environs. Nous y allâmes de suite. Il n'y avait qu'un instant que nous marchions lorsque nous arrivâmes au Dragon. Pour cette fois, on l'avait mis presque nu, probablement pour s'assurer s'il n'avait pas une ceinture avec de l'argent. Je lui montrai la cave et nous arrivâmes à la porte où nous fûmes saisis par la quantité de morts que nous y vîmes. Près du poste du Badois étaient 4 hommes de la garde, morts pendant la nuit, et dont l'officier de poste avait empêché qu'on les dépouillât. Il nous dit aussi que dans son corps de garde, il y en avait encore 2 qu'il croyait de la garde. Nous y entrâmes pour les voir. Ils étaient sans connaissance. Le premier était un chasseur. Le second, qui avait la figure cachée avec un mouchoir, était de notre régiment. Grangier, lui ayant découvert la figure, fut on ne plus surpris en reconnaissant celui qu'il cherchait. Nous nous empressâmes comme nous pûmes de le secourir. Nous lui ôtâmes son sabre et sa giberne, qu'il avait encore sur lui, ainsi que son col, et nous tâchâmes de lui faire avaler quelques gouttes d'eau-de-vie. Il ouvrit les yeux sans nous reconnaître, et un instant après, il expira dans mes bras. Nous ouvrîmes son sac. Nous y trouvâmes une montre, ainsi que différents petits objets, que Grangier renferma, afin de les envoyer comme souvenir à sa famille, s'il avait le bonheur de revoir la France, car elle était du même endroit que lui. Tant qu'au chasseur, après l'avoir mis dans la meilleure position possible, nous l'abandonnâmes à sa malheureuse destinée. Que pouvions-nous faire ? Grangier me conduisit à son poste. Un instant après, il fut relevé par les chasseurs. Avant de partir, nous n'oubliâmes pas de leur recommander l'homme de leur régiment, que nous venions de quitter. Le sergent envoya de suite 4 hommes pour le prendre. Il sera probablement mort en arrivant, car tous deux qui se trouvaient dans cette position mourraient de suite, comme s'ils eussent été asphyxiés. Nous retournâmes au régiment, où nous passâmes le reste de la journée à mettre nos armes en bon état, à nous chauffer et à causer. Pendant la journée, nous tuâmes plusieurs chevaux que nos hommes nous amenèrent et que nous partageâmes. L'on fit aussi une petite distribution de farine de seigle et d'un peu de gruau, dans lequel se trouvait presque autant de paille et de grains de seigle. Le lendemain, à 4 heures du matin, l'on nous fit prendre les armes pour nous porter en avant, à un quart de lieue de la ville, où, malgré un froid rigoureux, nous restâmes dans bataille jusqu'au grand jour. Les jours suivants, nous fîmes de même, car l'armée russe manœuvrait sur notre gauche. Il y avait déjà 3 jours que nous étions à Smolensk, et que nous ne savions pas si nous devions rester dans cette position, ou si nous devions continuer notre retraite. Rester, disait-on, c'est impossible. Alors pourquoi ne pas partir, plutôt que de rester dans une ville où il n'y avait pas de maison pour nous abriter, et pas de vivres pour nous nourrir. Le 4e jour, en revenant comme les jours précédents, de la position du matin, et comme nous étions près d'arriver à notre bivac, j'aperçus un officier d'un régiment de ligne, couché devant un feu. Près de lui étaient quelques soldats. Nous nous regardâmes quelque temps comme 2 hommes qui s'étaient quelquefois vus et qui cherchaient à se reconnaître sous les haillons dont nous étions couverts et la crasse de ma figure. Je m'arrête, lui se lève, et s'approchant de moi, il me dit « Je ne me trompe pas ?»« Non, lui dis-je. » Nous nous étions reconnus et nous nous embrassâmes sans avoir prononcé nos noms. C'était Beaulieu, mon camarade de lit au Vélite, lorsque nous étions à Fontainebleau. Combien nous nous trouvâmes changés et misérables. Je ne l'avais pas vu depuis la bataille de Wagram, époque où il avait quitté la garde pour passer officier dans la ligne avec d'autres Vélites. Je lui demandai où était son régiment. Pour toute réponse, il me montra l'aigle au milieu d'un faisceau d'armes. Ils étaient encore 33. Il était le seul officier avec le chirurgien-major. Des autres, la plus grande partie avait péri dans les combats, mais plus de la moitié était mort de misère et de froid. Quelques-uns étaient égarés. Lui, Beaulieu, était capitaine. Il me dit qu'il avait l'ordre de suivre la garde. Je restai encore quelque temps avec lui, et comme il n'avait pas de vivres, nous partageâmes en frère le riz que j'avais reçu des hommes rencontrés dans l'église la nuit de notre arrivée. C'était la plus grande preuve d'amitié que l'on puisse donner à un camarade dans une situation où, pour de l'or, l'on ne pouvait rien trouver. Le 14 au matin, l'empereur partit de Smolensk avec les régiments de grenadiers et de chasseurs. Nous le suivîmes quelque temps après, en faisant l'arrière-garde, laissant derrière nous les corps d'armée du prince Eugène, Davous et Ney, réduits à peu de monde. En sortant de la ville, nous traversâmes le champ sacré, appelé ainsi par les Russes. Un peu plus loin, de Corinthia, se trouve un ravin assez profond et encaissé. Étant obligé de nous arrêter afin de donner le temps à l'artillerie de le traverser, je cherchais Grangier, ainsi qu'un autre de mes amis, à qui je proposais de le traverser et de nous porter en avant, pour ne pas nous geler à attendre. Étant de l'autre côté forcés de nous arrêter encore, nous remarquâmes trois hommes autour d'un cheval mort. Deux de ces hommes étaient debout et semblaient ivres, tant ils chancelaient. Le troisième, qui était un Allemand, était couché sur le cheval. Ce malheureux mourant de faim et ne pouvant en couper, cherchait à mordre dedans. Il finit par expirer dans cette position de froid et de faim. Les deux autres, qui étaient deux hussards, avaient la bouche et les mains ensanglotées. Nous leur adressâmes la parole, mais nous ne pûmes en obtenir aucune réponse. Ils nous regardèrent avec un rire à faire peur, et s'étenant le bras, ils allèrent s'asseoir près de celui qui venait de mourir, où probablement ils finirent par s'endormir pour toujours. Nous continuâmes à marcher sur le côté de la route, afin de gagner la droite de la colonne et de là attendre notre régiment près d'un feu abandonné, si toutefois nous avions le bonheur d'en trouver. Nous rencontrâmes un hussard, je crois qu'il était du 8e régiment, luttant contre la mort, se relevant et tombant aussitôt. Malgré le peu de moyens que nous avions de donner des secours, nous avançâmes pour le secourir, mais il venait de tomber pour ne plus se relever. Ainsi, à chaque instant, l'on était obligé d'enjamber au-dessus des morts et des mourants. Comme nous continuions toujours, quoique avec beaucoup de difficultés, à marcher sur la droite de la route pour dépasser les convois, nous vîmes un soldat de la ligne assis contre un arbre, où il y avait un petit feu. Il était occupé à faire fondre de la neige dans une marmite afin d'y faire cuire le foie et le cœur d'un cheval qu'il avait éventré. Il nous dit que, n'ayant pu en couper de la viande, il avait, avec sa baïonnette, fait un trou au ventre, d'où il avait tiré ce qu'il allait faire cuire. Comme nous avions du riz et du gruau, nous lui proposâmes de nous prêter sa marmite, pour en faire cuire et que nous le mangerions ensemble. Il accepta avec plaisir. Ainsi, avec du riz et du gruau, où il y avait autant de paille, nous fîmes une soupe que nous assaisonnâmes avec un morceau de sucre que Grangier avait dans son sac, ne voulant pas la saler avec de la poudre, car nous n'avions pas de sel. Pendant que notre soupe cuisait, nous nous occupâmes à faire cuire, au bout de nos sabres, des morceaux de foie et les rognons du cheval, que nous trouvâmes délicieux. Lorsque notre riz fut à moitié cuit, nous le mangeâmes et nous rejoignîmes le régiment qui nous avait déjà dépassé. Le même jour, l'empereur coucha à Korutnina, et nous un peu en arrière, dans un bois. Le lendemain, l'on se mit en route de grand matin pour atteindre Krasnoé. Mais avant d'arriver à cette ville, la tête de la colonne impériale fut arrêtée par 25 000 Russes qui barraient la route. Les premiers de l'armée qui les aperçurent étaient des hommes isolés, qui aussitôt se replièrent sur les premiers régiments de la garde. Mais la plus grande partie, moins intimidée ou plus valide, se réunit et fit face à l'ennemi. Il y eut quelques hommes insouciants ou malheureux qui, sans s'en apercevoir, furent se jeter au milieu d'eux. Les grenadiers et les chasseurs de la garde s'étant formés en colonne serrée par division, s'avancèrent de suite sur la masse des Russes, qui, n'osant pas les attendre, se retirèrent et laissèrent le passage libre. Mais ils prirent position sur les hauteurs à gauche de la route et tirèrent quelques volées de coups de canon. Au bruit du canon, et comme nous étions en arrière, nous doublâmes le pas, et nous arrivâmes au moment où l'on menait quelques pièces en batterie pour les chasser. Aussi, au premier coup que l'on tira, on les vit disparaître derrière les hauteurs, et nous continuâmes à marcher. Dans cette circonstance, il s'est passé un fait que je ne dois pas passer sous silence, et dont j'ai eu connaissance pour en avoir entendu parler, mais différemment conté et même écrit. L'on a dit qu'au moment où l'on aperçut les Russes, les premiers régiments de la garde se groupèrent, ainsi que l'état-major autour de l'empereur, et que de cette manière l'on marcha comme si l'ennemi ne fût pas devant nous, que la musique joua l'air. Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille, et que l'empereur interrompit la musique en ordonnant de jouer « Veillons au salut de l'Empire ». Le fait que l'on rapporte s'est bien passé, mais d'une manière toute différente, car c'est à Smolensk même que la chose s'était passée. Je crois ne pas me tromper en disant que c'est le jour même de notre départ de cette ville que j'en ai entendu parler. Le prince de Neuchâtel, alors ministre de la guerre, voyant que l'empereur ne donnait pas d'ordre de départ et l'inquiétude de toute l'armée à cet égard, vu l'impossibilité de rester dans une aussi triste position, réunit quelques musiciens et leur ordonna de jouer, sous les croisées de la maison où l'empereur était logé, l'air « Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ?» À peine avait-on commencé que l'empereur se montra sur le balcon et qu'il commença de jouer « Veillons au salut de l'Empire », que les musiciens exécutèrent tant bien que mal malgré leur misère. Un instant après, l'ordre du départ fut donné pour le lendemain matin. Comment croire que les malheureux musiciens, en supposant même qu'ils se fussent trouvés à la droite du régiment, chose que l'on n'en voyait plus depuis le commencement de nos désastres, eussent été capables de souffler dans leur instrument, ou de faire aller leurs doigts dont une partie les avait gelés. Mais à ce moment-là, la chose était plutôt possible, parce qu'il y avait du feu et que l'on se chauffait. 2 heures après la rencontre des Russes, l'empereur, arrivé à Krasnoé, avec les premiers régiments de la garde, d'autres régiments et les fusiliers chasseurs. 2 heures après la rencontre des Russes, l'empereur arrive à Krasnoé, avec les premiers régiments de la garde, d'autres régiments et les fusiliers chasseurs. Nous bivacâmes en arrière de la ville. En arrivant, je fus commandé de garde avec 15 hommes chez le général Roguet, qui était logé en ville dans une mauvaise maison couverte en chaume. J'établis mon poste dans une écurie, m'estimant très heureux de passer la nuit à couvert et près d'un feu que nous venions d'allumer. Mais il en fut tout autrement.